manje. Tout la ou manke donne wapon manje. Il faut nous tout connaître qu'à prendre la vie. Jour à jour nous gêne pas pour nous. Et on dit petit poisson de bien d'accord. Et on dit si ambulant fait comme un chat. Si rien ouais ça fait que mêlé. Il fallait ton rembourse à Playboy. Si t'es rien, c'est yon petit poisson de rein. Si poisson yon fait tout qu'on a géré. Si mette la douce, il n'y compte pas les. Elle est fille, mon souris, à Playboy. Si t'es rien, c'est yon petit poisson de rein. Si poisson yon fait tout comme nage. Si vet la tout, si l'y compte pas. Et l'elfine mon joli, jamais collé.